Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le coup de foudre entre Diego Maradona et la ville de Naples. 1984, quand Maradona arrive à Naples, 75 000 personnes l'accueillent comme un dieu vivant. La ville la plus pauvre d'Europe vient de s'acheter le joueur le plus cher du monde. Il a été mon super-héros vivant depuis ma jeunesse, pendant toute mon enfance. Je dis juste que le football est mort. J'avais un an quand nous avons gagné le deuxième championnat italien, mais Maradona est écrit dans notre sang. C'est une véritable histoire d'amour que vont vivre le footballeur Diego Maradona et la ville de Naples dans les années 80, comme en témoignent d'ailleurs ces deux extraits qu'on vient d'entendre diffusés à la télé française à l'occasion de la sortie d'un documentaire sur Maradona en 2019 et au moment de sa mort en novembre 2020. Entre 1984 et 1991, l'équipe de Naples remporte deux championnats d'Italie et une Coupe d'Europe. Avec ses victoires, Maradona permet aux Napolitains de retrouver leur sentiment de fierté. Diego Maradona est arrivé à Naples le 5 juillet 1984. Quelques jours plus tard, lors de sa présentation au Stade San Paolo, un volcan en perpétuelle ébullition, 60 000 supporters napolitains sont venus l'accueillir comme le Messi. Oui, comme le Messi, car à Naples, Diego Maradona a endossé une dimension religieuse. Santa Maradona, priez pour nous, ainsi soit-il. Écoutez cette petite parabole napolitaine. C'est un type qui se baladait dans Naples, et c'est une histoire tout à fait vraie, enfin, et qui était à la recherche en fait des traces de Maradona dans Naples, parce que les Napolitains vouent un culte à Maradona, et que donc un jour il arrive chez un coiffeur et qui avait un petit hôtel religieux avec une photo de Maradona et une photo de Jésus, et il sort son appareil photo et il demande au coiffeur: est-ce que ça vous dérange si je photographie votre petit hôtel? Et le coiffeur lui dit: attends, j'enlève Jésus. Extrait de l'émission « L'œil de tigre » diffusée à France Inter en novembre 2020. C'est assez incroyable, cette histoire qu'on vient d'entendre, l'histoire de ce coiffeur qui enlève la photo de Jésus pour ne pas porter ombrage au dieu Maradona. Pour nous parler du passage, justement, de Diego Maradona à Naples, un épisode de sa carrière devenu célèbre, je reçois l'historien Luca Solai. Luca Solai, bonjour. Bonjour. Alors, Luca Solai, pourquoi avoir choisi de nous parler de cet épisode précis? On aurait pu faire une émission sur Maradona, ce dieu du stade, mais pourquoi cet épisode précis de la carrière de Maradona où il est à Naples? Parce que la partie de la carrière de Maradona à Naples, c'est sûrement le sommet de sa carrière en tant que joueur. Et aussi les liens incroyables qu'il est capable de faire avec le peuple, avec les gens de Naples. Il n'y a pas vraiment de choses qu'on peut se rappeler dans l'histoire sportive italienne en général. Donc, oui, une histoire de l'homme Maradona et pas seulement une histoire du joueur Maradona qu'on va raconter aujourd'hui. C'est vraiment aussi un extrait de l'homme tourmenté qu'il est pendant cette partie de sa vie et pas seulement du champion de football qu'on a admiré pendant ces années. Ouais. Et c'est sans doute au sommet de sa carrière. Ouais. C'est une histoire en soi fascinante, effectivement, cette osmose entre un grand champion et cette ville, ce qu'il représente pour cette ville. Puis vous le dites bien, cette période précise de sa carrière, c'est le meilleur et le pire de Maradona. Puis on va voir pourquoi et de quelle manière au cours des minutes qui viennent. Un petit mot d'abord, Luca Solai, pour nous dire où il en est, Diego Maradona, dans sa carrière, quand il arrive à Naples en 1984. Maradona, en 1984, il est déjà une vedette internationale. Et donc, il était très fameux pendant ses années en Argentine, surtout pendant sa parenthèse au Boca Juniors. Mais quand ils arrivent en Europe en 1982, à Barcelone, après la Coupe du Monde de 1982, qui avait été un peu décevant pour l'équipe nationale d'Argentine, les années à Barcelone sont bonnes, mais ne sont pas à l'auteur de sa nommée. Et donc, à Naples, ils arrivent comme vedettes internationales, mais il y avait une certaine partie du journalisme sportif qui pensait que Maradona pouvait être dans une phase un peu descendante de sa carrière. Tandis qu'on va le voir, ce n'est pas le cas du tout. Et qu'est-ce qui l'amène à Naples, de fait? Qu'est-ce qui le convainc d'accepter de jouer pour l'équipe de Naples? Ben, il l'a dit depuis le début, Maradona. Il aimait ce type de défi. Il avait grandi clairement dans les banlieues de Buenos Aires, dans la pauvreté. Il n'avait jamais oublié ses origines populaires. Et il a dit depuis le début, je me suis senti tout de suite comme un poisson dans l'eau. J'ai tout de suite aimé sa ville car elle me faisait penser à mes origines. Parce qu'il disait qu'il avait l'impression de représenter une partie de l'Italie qui n'est comptée pour personne. Donc il choisit de prendre la charge d'une équipe qui n'était pas une équipe célèbre en Italie à l'époque. Tout au contraire, c'était l'équipe représentative du Sud, mais qui n'avait pas beaucoup de succès sportifs quand Maradona arrive. Donc ça, c'est ce côté, au fond, défenseur de la veuve et de l'orphelin, ça fait partie de l'équation. Il sait où il arrive, dans une ville, Naples, qui est une ville pauvre, dans une ville qui, vous l'avez évoqué, mais sur le plan sportif aussi, est pas à son meilleur. Là. C'est le Nord. Quand Maradona arrive à Naples, ce sport, le foot, le soccer, en Italie, c'est un sport qui est dominé par la puissance industrielle et sportive du Nord. Absolument. L'équipe, la Juventus de Turin et les 12 équipes de Milan sont les équipes qui historiquement, ils ont toujours gagné la majorité des championnats en Italie. Quand Maradona arrive, après que le président de l'époque, il avait déjà essayé à plusieurs reprises d'améliorer le niveau de l'équipe. Et il n'était pas capable, le président Corrado Ferlaini, non? Et donc il décide de faire un achat, hein? Un achat, une acquisition très importante dans les marchés des vedettes internationales, et donc il va chercher la vedette par excellence de la période, qui est exactement Diego Maradona. Et Maradona, clairement, il embrasse son rôle de représentant du sud de l'Italie. Ça, c'est la partie probablement plus importante pour comprendre les personnages, parce que Naples, en Italie, et le sud en général, ils avaient toujours une sorte d'infériorité vers le nord avait débuté avec l'unification de l'Italie, mais qui s'était aussi resserré pendant les années de l'immigration intérieure, à l'intérieur de l'Italie, après la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de personnes du sud sont allées travailler au nord dans des conditions pas faciles. Ils ont subi à certaines reprises aussi du racisme. Et donc, ils avaient ce désir vraiment de pouvoir renverser à travers le sport, à travers le football, cette réalité. Et Maradona devient le symbole. Voilà, et il le comprend, ça, très, très bien, très vite, Maradona, qu'il sera ce symbole. Bien sûr, c'est un sportif, il veut gagner. Il veut que cette équipe de Naples devienne une équipe championne, mais il sait aussi que, pour les Napolitains, cette victoire sportive va être un peu une vengeance pour eux face à ce Nord un peu arrogant. Donc, très vite, les gens de Naples vont l'adopter. Il débarque, Maradona, à Naples en 1984, mais il y a vraiment un événement, un point tournant en 85, où là, vraiment, l'histoire d'amour avec la ville commence pour de vrai. Luca Solaï, quel est cet élément-là, cet élément déclencheur? Bien, il y a où, on peut dire, la première saison était assez difficile, mais il y a quand même ces deux événements particulièrement qui sont à la base du mythe de Maradona. Et le premier événement, on le voit, c'est relié à la ville de Naples même. Donc, il y avait un de ses équipiers qui voulait organiser une levée de fonds pour aider le fils d'une personne qu'il connaissait, parce que son fils était malade, donc pour l'aider à payer ses frais médicaux. Donc, oui. Le président, il voulait rien savoir de ça. Il voulait rien savoir de laisser les joueurs en exhibition dans un banlieue de Naples, dans un champ de pommes, pour pouvoir faire cette match-là. Mais Maradona, comme ils entendent ça, il prend tout de suite la relève et impose pratiquement avec son pouvoir de négociateur à son président de jouer là. Oui. Il paye dans ses poches l'assurance pour pouvoir jouer, parce que ce n'était pas un match officiel. Et à ce point-là, il y a un match dans cette banlieue de Naples avec tout le monde qui était venu pour voir Diego Maradona. Et Maradona qui jouait comme si c'était un match du championnat italien. Donc, il essayait de gagner à plusieurs reprises. Et tout le monde disait, Diego, calme-toi parce que tu vas te blesser. Et sa réponse était très typique. Vous ne savez pas qui est Maradona. Je joue toujours pour gagner. Ouais. Donc ça, c'est le premier épisode. Et le deuxième, c'était en novembre 1985, quand il a marqué le but qui a permis à l'équipe de Naples de gagner le match à domicile contre les Juventus de Turin. Et ouais, ça, c'est clairement c'est l'apogée, parce que l'équipe, la Juventus, ils n'avaient pas encore perdu un match pendant cette saison. Et ça, c'est le moment que le peuple de Naples attendait depuis longtemps. La donc, première chiffre, gagner, quoi. La première gifle, oui, que exact, les Napolitains peuvent donner à cette forte équipe de Turin. Donc, très vite, c'est parti, cette relation d'amour entre Maradona et Naples. On l'a dit un peu plus tôt, il est véritablement un dieu à Naples. C'est pas un hasard, il est au sommet de sa forme quand il débarque à Naples. Puis pour revenir un petit peu sur ce qu'il va représenter, incarner pour la population de Naples, je vous propose d'écouter un extrait de l'émission L'œil du tigre, diffusée à France Inter en novembre 2020, où l'animateur Philippe Collin et le journaliste sportif Didier Roustan parlent justement de ce que représente Maradona pour les Napolitains. Ça, c'est vraiment important, hein, Didier, parce qu'on n'imagine pas assez combien le peuple napolitain lui est redevable, parce qu'il a tout d'un coup rendu un honneur perdu. Naples, c'était une grande ville dans l'histoire de l'Europe. Et tout d'un coup, Diego vient leur apporter le titre. Il est champion d'Italie, un titre de Coupe d'Europe. C'est la revanche des humiliés, Diego, à Naples. Oui, parce que, comme on vient de l'expliquer, tout se passe au niveau de l'Italie du Nord. Et la presse aussi, c'est l'Italie du Nord, la Gazzetta dello Sport, etc., tout au sport, à Turin et tout. Donc c'est très compliqué pour lui, parce que, outre le fait qu'en plus, l'équipe de Naples, footballistiquement parlant, quand il arrive, est relativement faible, donc le premier titre, il va le gagner quasiment à lui tout seul. Oui, bien sûr. Après viendront Brésiliens comme Carica, les Mao, Dibani, etc. Bon, bref. Mais au-delà de ça, il va rendre aux Napolitains leur fierté. Eux qui perdent tous les jours au quotidien, eh bien, ils vont gagner, et ils vont gagner, en plus, dans le sport roi en Italie. Et ça, c'est fondamental pour les gens. Bon, ce statut de héros populaire, de dieu, de demi-dieu de Maradona à Naples, c'est le fruit, Lucas Salai, de performances sportives exceptionnelles. Décrivez-nous un peu à quoi vont ressembler ces exploits que va justement réaliser Maradona durant son passage à Naples. Ah, ben, il était extraordinaire. Après la première année dans laquelle ils ont mené un championnat médiocre, à partir de la deuxième année, c'est un enchaînement de succès. Ils vont gagner le championnat d'Italie en 1987 et 1990, la Coupe d'Europe en 1989. Il faut comprendre qu'il y avait une compétition incroyable au niveau des qualités des équipes à l'époque. Il y avait des équipes, l'équipe de Turin, mais les deux équipes de Milan qui étaient parmi les meilleures de leur histoire. Et donc, le fait que Maradona a été capable de gagner contre cette équipe-là est à démonstration de la force comme joueur qu'il avait. Et il a aussi gagné au niveau international la Coupe du Monde en 1986 avec l'Argentine, l'équipe nationale de l'Argentine. Donc c'était au sommet vraiment de sa forme. Ouais. Et puis, il est pas seul. Au début, c'est vrai que c'est Maradona qui sauve l'équipe. C'est à peu près le seul joueur vedette. Mais il y en aura d'autres. Le propriétaire de l'équipe de Naples amène du renfort au fil du temps. Vous parliez au tout début de l'émission de cette période napolitaine de Maradona, comme évidemment, puis on vient de le voir encore avec vous, des exploits sportifs formidable sur le terrain, mais aussi une vie de Maradona très actif dans le Naples, un peu, comment dire, le Naples de nuit, le Naples douteux d'une certaine façon. Parlez-nous de ça, des frasques, parce que ça va faire partie de l'histoire de Maradona à Naples, les frasques qu'il va vivre. Absolument. Comme il était un dieu à Naples, tout lui était permis pendant son aventure napolitaine. Donc, il y avait une certaine dépendance avec la drogue pendant la période, avec la cocaïne, qui remontait à ses temps passés au Barcelone. Et donc, à Naples, il va continuer à faire une utilisation régulière de la cocaïne, surtout pendant la semaine. Et clairement, c'est en faisant ça, il vient en contact avec plusieurs plusieurs chefs de la Camorra, qui était l'organisation criminelle qui avait clairement ses origines à Naples et en Campanie en général. Et donc, pour le fait même qui utilisait de la drogue et que la Camorra clairement avait géré le trafic de drogue, mais Maradona va s'accompagner à plusieurs reprises avec ses chefs de la Camorra, la famille Giuliano, qui gérait tout ça. Donc il avait beaucoup clairement d'amitiés controversées à l'époque. Ouais. Et de plus, il y a aussi une paternité hors mariage pendant son époque à Naples, avec la naissance de Diego Maradona Junior, qui a été reconnu seulement pendant les années 2000 comme fils de Maradona, ouais, par Diego même. Et donc il y a eu une vie turbulente pendant les années à Naples. Et tout ça, évidemment, puis on va y revenir dans une minute ou deux, mais on va le rattraper un peu plus tard, entre autres ses liens avec le crime organisé. Revenons au sport avec un événement absolument extraordinaire, digne d'une tragédie grecque, la Coupe du monde de foot de 1990, match de demi-finale. Cette Coupe du monde, elle est disputée en Italie. L'Argentine affronte l'Italie. Racontez-nous ça, c'est incroyable. Oui, l'équipe italienne et celle de l'Argentine, ils vont avancer jusqu'à la demi-finale. Et le match entre Italie et Argentine, il va se jouer dans la ville de Naples. Donc, vous imaginez, Maradona, en 1990, il venait de gagner son deuxième championnat avec l'équipe de Naples. Donc, à ce point-là, Maradona va jouer sur sa popularité dans la ville de Naples. Et à la veille du match, il déclare devant ses équipiers, « Maintenant, je vais diviser un pays. » Donc, et il va déclarer devant la presse que Naples ne fait pas partie de l'Italie. Et a invité les Napolitains pour applaudir pour lui et pour l'Argentine, parce que lui était toujours là pour les Napolitains. Donc, ça, c'était un passage épocal. Puisque Naples est regardé avec mépris de haut par le nord, de l'Italie entre autres, il dit aux Napolitains, soyez argentins avec moi pendant cette demi-finale. Exactement, parce ouais. que les autres, les Italiens, vont se rappeler de vous seulement aujourd'hui que l'équipe nationale joue cette demi-finale. Exactement, c'est ça qu'il va faire. Et effectivement, pendant les matchs, il y a eu un support assez mitigé de l'estade par rapport, parce qu'il y avait l'équipe nationale, oui, qui jouait, mais contre les dieux de la ville, qui était Maradona. Donc, le support n'était pas total. Ils ont témoigné plusieurs joueurs de l'Italie de l'époque qu'ils ont joué cette demi-finale. Et Maradona et l'Argentine remportent ce match, cette demi-finale oui. de la Coupe du Monde, qui, encore une fois, est disputée en Italie, remporte le match, donc, ce qui fait que l'Italie est éliminée. Et là, on se retrouve, Luca Solaï, à Rome, pour la grande finale oui. en Italie. Et c'est toujours le même Maradona et l'équipe argentine qui se battent contre les Allemands. Exactement. Et là, le support des Romains était tout pour l'équipe de l'Allemagne. Maradona était vu comme le vilain absolu pendant cette match-là. Tout l'Italie sauf Naples était au dos de Maradona pour supporter les Allemands. Et cela a fait en sorte qu'à la fin, l'Allemagne a gagné le match. Et Maradona s'écroulait en larmes à la fin de la finale. Et ça commence à représenter un peu le moment où l'admiration pour le joueur Maradona a commencé à décliner. Ouais. Pas à Naples, mais dans le reste, beaucoup plus dans le reste de l'Italie. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Et cet épisode, cette période napolitaine de Maradona se termine en 91, ce qui nous ramène à ces frasques, les frasques dont vous parliez. Qu'est-ce qui fait qu'il doit partir, qu'il doit quitter Naples en 1991? Luca Solaï. Et il était trouvé positif à un test pour la cocaïne, donc il a été suspendu pendant 15 mois. Et donc, à la fin de la suspension, il a quitté l'Italie pour aller jouer en Espagne ou Séville, l'équipe de Séville. Et après, il est retourné en Argentine, mais il n'est jamais plus arrivé au niveau qu'il avait pendant ces années à Naples. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, la carrière était en déclin constant pour Maradona. Ouais. Mais bien qu'il... qu'il ait quitté Naples en 91, quand il meurt en novembre 2020, évidemment, l'émotion sera toujours très forte et très vive à Naples. Il n'y a qu'un Maradona, chante cette foule de Napolitains descendus dans les rues, malgré l'interdiction en raison de la crise sanitaire. Des habitants très émus. Lui a créé le calcio, anzi ha creato Napoli, secondo me. Il a créé le football. Mieux, il a créé Naples. Après son passage, les gens ont changé. Donc je pense que c'est la plus belle chose qui soit arrivée à cette ville. Je le crois aujourd'hui. C'est incomparable. C'est tellement émouvant que vous ne pouvez pas le dire avec des mots. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Il nous a tellement donné. Il nous a fait vivre des émotions époustouflantes. Un joueur, un homme élevé au rang d'icône, presque religieuse dans cette ville. Année serveuse au bar Nilo, au mur, un cadre avec quelques cheveux de l'Argentin comme une relique. Des gens viennent d'Argentine, du Brésil, du monde entier pour voir les cheveux de Maradona. Cette petite fiole représente les larmes des Napolitains quand Maradona est parti. C'est un mythe, un saint. Le maire de Naples a indiqué hier soir vouloir faire renommer le Stadio San Paolo pour lui faire porter le nom de Diego Armando Maradona. Extrait d'un reportage diffusé à l'antenne de RMC Radio Monte Carlo au moment de la mort de Diego Maradona en novembre 2020. On l'entend bien dans cet extrait, Luca Salai. L'Italie, les habitants de Naples en particulier, sont vraiment en état de choc, en deuil, quand arrive la nouvelle de la mort de Diego Maradona. Absolument. Et les mythes de Maradona pour Naples a été toujours resté au sommet. Et il faut comprendre que chaque fois que Diego retournait à Naples, c'était vraiment de l'émotion pour la population parce qu'il se rappelait toujours de ce sentiment, de cette relation très, très forte que Maradona avait avec l'équipe, mais avec la ville en général. Donc, dans l'espace de quelques jours après sa mort, le stade a été renommé, le stade qui était nommé sur San Paolo, était renommé le stade clairement Diego Armando Maradona. Il y a une journée des deuils de la ville après la mort de Maradona, mais en général on a vu le niveau que Maradona avait. On a toujours dit en Italie qu'à Naples ils avaient deux choses qui représentaient Naples. Une était le saint patron, San Gennaro, et l'autre c'était le dieu Diego Armando Maradona. Donc ça c'était la... Personne en Italie n'était pas étonné de voir les manifestations d'affect que les Napolitains ont donné à Maradona au moment de sa mort. Luca Salai, c'était passionnant de vous entendre nous raconter cette histoire, cette période où Maradona joue à Naples. Doctorant en histoire à l'Université de Montréal, je le rappelle, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Luca. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.